ايمن زكين سي حسن التبسعيدي سون ريباب اوكي دي جي يوسف قايس سكوربيون ايوا خير في الوالدين كوزان. السلام عليكم اللي عونا واللي دوفير نقدم نفر في قدي ويد الفرحة تنزرع كي قبل وين ربي دير قاز السوق رنين يفور قاز اللي ملي حلم غير نتدى بالله الخير بالوالدين الخير بالوالدين الخير بالوالدين الخير بالوالدين الخير بالوالدين. Et Hassan fait siffler ton rebelle pour les remparts à la prod DJ Youssef Scorpion Hassan C'est éternel, j'arracherai les étoiles, décorer le ciel. Généreuse, courageuse et vaillante, guerrière, fière et battante. Même dans la misère, on n'a jamais manqué de rien. Prête à sacrifier pour qu'on ait le ventre plein. C'est pour les padres qui se tuaient à la tâche. Prenez leur mal en patience sans baisser la face. Merci pour l'éducation, respect. Vous avez fait de nous des hommes à la vraie. Esprit populaire, cher vive valeur de la Haïla. Les renvois, le triangle angulaire. Des terres à faire de nous des rages. Des rages, des rages. Dans les prunelles, pour vous mon amour est éternel. C'est pour les bigels, il est tellement amas. Pour les padres qui se tuaient pour nos khadmas. Tant de sourires, de beaux souvenirs. Tant d'émotions, d'amour et de fou rire. Laissant place aux valeurs et aux choses vraies. L'ouel et din, ça c'est du concret. J'ai Youssef, Raïs et Scorpion. Eh ouais, on crève le Walidane, cousin.